Chapitre 3e. Le lendemain, Ethan avait une coupe à charger à l'extrémité la plus basse du taillis. Il sortit de très bonne heure. Cette aube d'hiver était transparente comme un cristal. Le soleil se levait tout rouge dans un ciel pur. À l'orée du bois, les ombres s'étalaient, profondes et bleues. Par-delà la scintillante blancheur des champs, les futaies lointaines s'estompaient en masses vaporeuses. Froome aimait cette heure matinale, si paisible. À mesure que ses muscles s'assouplissaient pour la tâche quotidienne et que ses poumons aspiraient à longs traits l'air de la montagne, sa pensée devenait plus lucide. Quand la porte de la chambre avait été refermée, Zina et lui n'avaient plus échangé la moindre parole. Sa femme avait compté quelques gouttes d'un médicament placé sur une chaise à côté du lit, puis, après les avoir bu et s'être enveloppé la tête d'un morceau de flanelle jaunie, elle s'était recouchée, le visage vers la muraille. Ethan s'était vivement déshabillé, puis avait soufflé la lampe pour ne pas voir sa femme en s'allongeant auprès d'elle. Il avait entendu Mattie qui allait et venait, la faible clarté de sa chandelle. Traversant les trois paliers, il lui arrivait par-dessous la porte. Jusqu'à ce qu'elle s'éteignît, il avait tenu les yeux fixés sur cette lueur à peine visible. La nuit complète avait alors de nouveau rempli la pièce. On n'entendait plus que la respiration asthmatique de Zina. Dans le cerveau fatigué d'Ethan s'agitaient confusément toutes les inquiétudes de la journée, mais le souvenir pénétrant du jeune bras qui s'était appuyé contre le sien dominait tout. Pourquoi n'avait-il pas embrassé Mattie quand elle était ainsi près de lui? Quelques heures plus tôt, il ne se serait même pas posé la question. Quelques minutes auparavant, alors qu'ils étaient tous deux hors de la maison, il n'aurait pas eu l'audace de songer à lui prendre un baiser, mais depuis il avait vu ses lèvres à la clarté de la lampe, et il sentait qu'elles étaient siennes désormais. Maintenant, dans la pleine lumière d'un beau matin, il retrouvait devant ses yeux le visage de Mattie, et il lui semblait fait, ce visage, avec la pourpre du soleil et la pure blancheur de la neige. Comme elle avait changé, la chère petite, depuis son arrivée à Starkfield. Lorsqu'il était allé à sa rencontre, à la gare, il se le rappelait bien, elle lui était apparue si frêle et si blanche. Et pendant le tout premier hiver, comme elle frissonnait quand les rafales du nord secouaient les planches minces de la maison et que la neige chassait comme de la grêle contre les fenêtres mal closes. Il avait eu peur qu'elle ne détestât cette rude vie de labeur dans le froid et la solitude, mais pas un geste de mauvaise humeur ne lui avait échappé. Zina estimait que Mattie, n'ayant aucun autre refuge, devait forcément s'accommoder de la situation, mais Ethan ne jugeait pas l'explication aussi concluante. Et quoi qu'il en fût, pensait-il, Zina elle-même n'avait jamais appliqué cette théorie à son propre cas. Si le malheur avait enchaîné auprès d'eux la jeune fille, il en était d'autant plus désolé pour elle. Mattie Silver était la fille d'un cousin de Zenobia qui avait soulevé à la fois l'envie et l'admiration de toute la famille en quittant la montagne pour une ville industrielle du Connecticut. Là, il avait épousé une jeune fille de Stamford et repris la droguerie florissante que tenait son beau-père. Par malheur, Orin Silver était un homme de grande visée, et il était mort trop tôt pour prouver que la fin justifie les moyens. Ses livres avaient révélé trop clairement ce qu'avaient été ses moyens. Heureusement pour sa femme et sa fille, on ne les avait examinés qu'après ses obsèques émouvantes. Mrs. Silver était morte des suites de ses fâcheuses révélations. Mattie, à 20 ans, s'était donc trouvée seule pour faire son chemin dans la vie avec les $50 que lui avait procuré la vente de son piano. Tout ce qu'elle savait faire, c'était chiffonner un chapeau, faire du molasse candy, réciter la fameuse poésie « Le couvre-feu ne sonnera pas cette nuit », jouer au piano « La corde perdue » et un pot-pourri d'après Carmen. Quand elle essaya d'étendre le champ de son activité jusqu'à la sténographie et la comptabilité, sa santé s'altéra, et 6 mois passés debout derrière le comptoir d'un magasin de nouveautés ne contribuèrent pas à la rétablir. Ses parents les plus proches avaient été amenés à placer leurs économies entre les mains de son père. Après sa mort, ils rendirent le bien pour le mal en prodiguant à la jeune fille tous les conseils dont ils disposaient, mais il leur parut excessif de faire davantage en y ajoutant matériellement. Toutefois, lorsque le médecin eut conseillé à Zina de chercher quelqu'un pour l'aider aux travaux domestiques, la famille vit aussitôt l'occasion de tirer de Mathie une espèce de compensation. Mrs. Frome, bien qu'elle ne se fît guère d'illusions sur les capacités de sa jeune cousine, était séduite par la possibilité de la prendre en faute sans courir grand risque de la perdre. C'est ainsi que Mathie vint à Starkfield. La façon qu'avait Zina de prendre les gens en faute était silencieuse, mais elle n'en était pas moins décourageante. Pendant les premiers mois, Ethan alternativement brûla du désir de voir Mathie se révolter et trembla à la pensée de ce qui pouvait en résulter. Puis, les relations devinrent moins tendues. L'air pur et les longues heures d'été passées au dehors donnèrent du ressort à Mathie, et Zina, ayant plus de temps à consacrer à ses maladies compliquées, se montra moins attentive aux oublis de la jeune fille. Alors Ethan, qui pliait sous le fardeau de sa ferme peu productive et de sa scierie trop peu moderne, put au moins s'imaginer que la paix régnait à son foyer. En fait, rien de précis n'était venu démontrer le contraire. Mais depuis la nuit précédente, Frome sentait vaguement qu'un danger menaçait son bonheur. C'était le silence obstiné de Zina, c'était le coup d'œil que Mathie lui avait adressé pour l'avertir, c'était le souvenir de ces mille petits riens, pareils aux indices qui, par certaines matinées radieuses, font prévoir un temps pluvieux pour le soir. Son angoisse était si forte que, semblable en ceci à tous les hommes, il s'efforça d'ajourner la certitude. Le transport du bois ne s'acheva qu'à midi, et comme il devait être livré à Andrew Hale, l'entrepreneur de Starkfield, Ethan jugea plus simple de renvoyer à pied Jotham Powell, son charretier, jusqu'à la ferme et de conduire lui-même le chargement au village. Frome avait déjà escaladé les planches et s'était assis dessus à califourchon tout près de ses chevaux poilus. Soudain, entre ses yeux et leur cou fumant, s'interposa la vision du regard inquiet que Mathilde lui avait jeté la nuit précédente. « Si quelque chose doit se passer, il faut que je sois là, en tout cas, » murmura-t-il en lui-même, et il lança à Jotham l'ordre de détacher l'attelage et de le ramener à l'écurie. Lentement, à travers la neige amollie, les deux hommes revinrent à la maison. Quand ils entrèrent dans la cuisine, Mathie retirait le café de dessus le fourneau. Zina était déjà attablée. Ethan s'arrêta court en la voyant. Au lieu de son peignoir habituel de percale foncé et de son châle en tricot, elle avait mis sa belle robe brune de mérinos. Sur ses minces touffes de cheveux, qui gardaient encore les ondulations des épingles à friser, se dressait un monumental chapeau à brides. Frome le connaissait bien, car il l'avait payé $5 chez le marchand de nouveautés de Bettsbridge. Sur le plancher, à côté de sa femme, étaient posées sa vieille valise et un carton enveloppé dans un journal. « Où allez-vous donc, Zina ?» lui dit-il. « Mes douleurs s'élancent si fort que je vais à Bettsbridge. » « Je coucherai chez tante Martha Pierce et je verrai le nouveau docteur, » répondit-elle avec la même insouciance que si elle avait dit « Je vais à la réserve jeter un coup d'œil sur les compotes » ou « Je monte au grenier voir l'état des couvertures. » Malgré les habitudes casanières de Zina, une décision aussi imprévue n'était pas sans précédent. Deux ou trois fois déjà, elle avait rempli la valise d'Ethan et était partie pour Bettsbridge ou même pour Springfield afin de consulter quelques nouveaux docteurs. Et Frome avait acquis la terreur de semblables expéditions qui lui coûtaient généralement gros. À chaque voyage, elle revenait chargée de remèdes coûteux et sa dernière visite était demeurée mémorable par l'achat d'une batterie électrique qu'elle avait payée $20 et dont elle n'avait jamais été capable d'apprendre le maniement. Pour l'instant néanmoins, le soulagement qu'Ethan éprouvait était si grand qu'il l'emporta. Il ne doutait plus à cette heure que Zina n'eût parlé sincèrement la nuit précédente en disant qu'elle était trop souffrante pour dormir. Sa résolution brusque d'aller consulter un médecin semblait montrer que, suivant sa coutume, elle était uniquement préoccupée de sa santé. Comme si elle attendait une protestation, elle continuait d'une voix plaintive. « Si vous êtes trop occupée par le charriage, sans doute pourrez-vous au moins laisser Jotham Powell me conduire au train avec l'alzan. » Ethan l'écoutait à peine. Il était absorbé par un rapide calcul. Pendant l'hiver, il n'y avait pas de diligence entre Starkfield et Bettsbridge, et les trains qui s'arrêtaient à Corbury Flats étaient lents et rares. Zina ne pourrait donc pas être de retour à la ferme avant le lendemain soir. Si j'avais pu penser que vous me feriez une objection à ce que Jotham Powell me conduisît, reprit-elle, comme si le silence de son mari impliquait un refus. Sur le point de partir, elle devenait toujours loquace. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas vivre comme ça plus longtemps. Les douleurs sont maintenant descendues à mes chevilles. Autrement, j'aurais été à pied à Starkfield plutôt que de vous déranger. Et j'aurais demandé à Michel Eady de me laisser monter sur le camion qui va chercher ses marchandises à la gare. J'aurais eu 2 heures à attendre mon train, mais j'aurais mieux aimé cela, même par ce froid, que de vous faire cette demande. « Mais Diotam vous conduira, » répondit Ethan. Il venait de se rendre compte subitement qu'il regardait Matty pendant que Zina lui parlait, et il lui fallait faire effort pour tourner les yeux vers sa femme. Elle était assise face à la fenêtre, et le jour blafard envoyé par la neige entassée devant la maison faisait paraître son visage plus livide encore et plus fatigué que de coutume. La lumière crue creusait les 3 lignes parallèles entre l'oreille et la joue. Elle durcissait les rides qui partaient des narines pincées pour aboutir aux commissures des lèvres, bien qu'elle eût tout juste 34 ans. 6 de plus que Fromm. Zina était déjà une vieille femme. Ethan essaya de trouver une phrase appropriée à la circonstance, mais un seul fait occupait son esprit. Pour la première fois depuis que Matty habitait avec eux, Zina n'allait point passer la nuit à la maison. Il se demanda si la jeune fille y pensait, elle aussi. L'idée lui vint que sa femme devait s'étonner qu'il ne lui offrît pas de la conduire lui-même aux Flats, laissant à Jotham Powell le soin de mener le chargement de bois à Starkfield. Il chercha un prétexte à lui donner, mais ne le trouva pas sur l'instant. Ce fut au bout de quelques secondes seulement qu'il s'excusa. « Je vous aurais conduite moi-même, mais il faut que je touche l'argent de ces bois. » À peine avait-il prononcé ces paroles qu'il les regretta. Non seulement elles étaient mensongères, car il était peu probable, en effet, que Hale le payât, mais encore il savait par expérience le danger de laisser supposer à Zina une rentrée de fonds à la veille d'une visite au médecin. Toutefois, il ne pensait sur l'heure qu'à éviter le long tête-à-tête avec elle derrière le vieux cheval traînard. Mrs. Fromm ne répondit pas. Elle sembla même ne pas avoir entendu les paroles de son mari. Elle avait déjà repoussé son assiette et versait une cuillerée d'une potion placée auprès d'elle. « Ça ne m'a jamais fait grand bien, mais il vaut tout de même mieux vider le flacon, » remarqua-t-elle. Et poussant devant Matty le récipient vide, elle ajouta « Si vous pouvez faire disparaître le goût, on s'en servira pour les pickles. »